01 42 32 14 14. Catherine Yves, Benjamin Vincent, Pierrick Fay. Christophe Arleston, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de Landfeust, dont les aventures en bande dessinée ont été vendues à plus de 5 millions d'exemplaires, je crois, dans le monde. Sur l'ensemble des titres, oui. Voilà, on vous doit l'univers de Troy, donc une planète où les habitants sont dotés de pouvoirs magiques. Un monde habité aussi par des trolls. C'est de l'héroïque fantasy, pour ceux qui connaissent. On vous doit aussi la série La Forêt d'Opale et Le Chant d'Excalibur. Le tout édité par les éditions du Soleil. Vous avez été également journaliste il y a une quinzaine d'années. Vous avez fait des pièces radiophoniques pour une radio concurrente, dont on n'aura pas le nom. Le monde de Troy, on se dit que c'est un monde qui se prête aux jeux vidéo. Pourtant, malgré une tentative en 2003, il n'existe pas de version vidéoludique. Vous y pensez toujours ? On y pense toujours, mais on est extrêmement difficile avec Didier Tarquin, le dessinateur. Et on ne laissera sortir un jeu que le jour où il y aura vraiment un très beau produit. Pour nous, c'est pas un souci primordial. On veut pas laisser abîmer l'image d'une belle série qui a déjà un très beau succès public par un jeu qui serait pas à la hauteur. Mais bon, il y a en ce moment deux producteurs de jeux qui sont en train d'étudier le dossier et qu'on a mis en concurrence l'un et l'autre. Je pense qu'il en sortira quelque chose d'intéressant d'ici peu. Et vous trouvez justement que les adaptations de bandes dessinées, par exemple, il y en a eu, que c'est pas toujours une réussite, c'est ça? Vous aurez regardé un petit peu ce qui s'est passé ailleurs? J'ai pas été extrêmement convaincu par l'adaptation de 13 de mon petit camarade Jean Van Damme. Lui-même d'ailleurs était pas franchement enthousiaste sur le produit qui en est sorti. Je crois que le problème évidemment c'est qu'aujourd'hui un jeu vidéo c'est d'énormes budgets. C'est des productions, on l'évoquait tout à l'heure, qui peuvent être assez proches de celles du cinéma. Donc il faut un marché international. Landfeust est un très gros succès francophone. On a réussi à toucher le marché italien, le marché espagnol, l'Europe du Nord et l'Allemagne évidemment, puisque sur la bande dessinée ce sont des marchés porteurs, l'Europe de l'Est, l'Europe du Nord, l'Allemagne. Mais malheureusement, le marché anglo-saxon est totalement impénétrable aux produits français. Or, lancer un jeu vidéo avec un très gros budget sans le marché anglo-saxon, c'est à peu près inenvisageable. Donc on est obligé de contourner le problème. Vous-même, vous êtes joueur ? Oui, je suis assez joueur. Vous jouez à quoi ? Oh, je joue à pas mal de jeux depuis les débuts des jeux vidéo, parce que je suis plus très jeune, et depuis ma première PS1 et le premier Tomb Raider, j'ai jamais vraiment décroché. Je dois dire que je connais pas encore la nouvelle Xbox. Ça vous tente, ça me tente, parce que jusqu'ici, je connais pas la Xbox. À la maison, j'ai une PS2, j'ai une GameCube. Il me manque la Xbox à ma collègue, ça va être l'occasion. Mais et justement, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de comparer la façon dont les jeux peuvent tourner d'une machine à l'autre. C'est vrai que j'aime beaucoup le nouveau Prince of Persia, et de comparer comment il tourne sur la GameCube ou sur la PS2, il y a des petites différences amusantes. On vous voyait tout à l'heure très intéressé par tout ce qu'on disait sur les appareils photo numériques. Mm-hmm. Vous en avez un que vous adorez visiblement. Oui, je me demandais où était classé le petit Xus de Canon auquel je suis fidèle à cette gamme, moi, depuis tout le temps. Je prends toujours le nouveau modèle régulièrement. Alors, Luc Saint-Elie, oui. Alors on met une pièce dans la machine. Tout à l'heure, on parlait d'un Casio. La gamme Xus de Canon, c'est une gamme qui est bien fini, ils en sortent un tous les 6-8 mois, j'ai pas les dates exactes, l'échelonnement. Oui, c'est une gamme d'appareils qui sont petits, bien finis et qui sont toujours très bien. Les Xus, c'est vraiment d'excellents petits appareils. Alors là-dessus, au niveau de la finition, ils sont plutôt au-dessus de leurs concurrents. Et en termes de performance globale, ils sont largement à un niveau excellent. Donc vous pouvez le garder, Christophe. Oui, il faut le garder. Ils sont un petit peu plus chers, je crois, que les 450 euros dont on parlait tout à l'heure. Ils sont un peu plus chers, mais la finition des Xus est un cran au-dessus. Hein, c'est des boîtiers en véritable imitation de vrai métal, à la place de la fausse imitation de mauvais plastique qu'on trouve beaucoup. Enfin, vraiment très soigné, très très bien léché, quoi. C'est très bon petit appareil. Alors je le garde. Bon, Christophe Arleston, on vous a montré aussi le Nokia N92, là, cet appareil photo configuré pour regarder la télé. C'est le genre de produit qui vous attire ? Non, c'est le genre de produit qui m'amuse parce que je suis extrêmement dubitatif. Par contre, autant je suis très intéressé par les nouvelles technologies, dans ce qu'elles peuvent nous apporter. J'ai été un des premiers clients de l'iPod et je suis un gros consommateur de tout ce qu'il y a des pommes dessus. Et je ne travaille que là-dessus. Vous les mangez aussi ? Je les mange aussi, oui, non, surtout je tape dessus avec mes petits doigts. Mais par contre, je me méfie beaucoup du gadget pour le gadget. Tout à l'heure, justement, on parlait de cet autre téléphone qui faisait en même temps console de jeu et qui est en train de faire un bide, manifestement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait faire des choses que ça correspond forcément à un besoin du public. Et je ne crois pas non plus que le marketing, quel que soit le talent des marketeurs, puisse imposer des choses si elles ne correspondent pas à un besoin réel. Donc, à un moment donné, je me trompe peut-être en ce qui concerne cet appareil, mais je reste assez circonspect et moi, je m'enthousiasme pas. J'aime beaucoup regarder la télé, mais je le fais sur un bon écran, sur un bon plasma, et je ne vais pas le faire sur un petit truc de 3 pixels sur 2, quoi. Christopher Leston, merci.